بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد الحمد لله ceci est un grand bienfait aux chers frères le fait que Allah tabaraka wa ta'ala nous permette ici ensemble d'étudier d'apprendre notre religion d'apprendre cette amana ce dépôt cette responsabilité qui nous a été confiée afin qu'on puisse la respecter et l'accomplir correctement. On avait commencé précédemment à lire et à commenter le chapitre Bab ou alors Kitab al-I'tisam. Kitab al-I'tisam, il y a la Sunna, le chapitre de la fermeté sur la Sunna, tiré du Sahih de l'imam al-Bukhari, rahimahullah. Le Sahih de l'imam al-Bukhari, rahimahullah. On était arrivé donc au deuxième sous-chapitre, El Babul Thani, Babul Iqtida'i bi Sunani Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Le sous-chapitre concernant le suivi de la Sunna, ou du moins des Sunan, du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce qui est voulu par le suivi? Beaucoup de personnes, ou du moins tout musulman, si on lui demande est-ce que tu suis la Sunna, il va te dire oui, je suis la Sunna. Personne ne va te dire non, moi je ne la suis pas, non, moi je ne vais pas suivre la Sunna. Personne ne va te dire ça. Mais qu'est-ce qui est voulu par là? Qu'est-ce qui est voulu par suivre la Sunna? Ici, l'auteur, rahimahullah al-Bukhari, il va aborder ce sujet avec 12 hadiths qu'on verra, inshallah ta'ala. On va essayer de voir ça en deux séances, bi'idhnillah. Ibn Hajar, rahimahullah, il dit قَبُولُهَا وَالْأَمَلُ بِمَا دَلَّتْ عَلَيْهِ. Le fait de suivre la sunna, c'est le fait de l'accepter déjà. Accepter que ça, c'est la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et le fait d'œuvrer avec ce que implique cette sunna. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a ordonné telle chose. Ça implique telle chose. Tu œuvres avec cela. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a fait telle chose. Ça implique telle chose. Tu œuvres avec cela. Voilà ce qu'on appelle le fait de suivre la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, il nous dit l'auteur d'Imam al-Bukhari, wa qawlillahi ta'ala, waj'alna lil muttaqina imama. Qala a'immatan naqtadi biman qablana wa yaqtadi bina man ba'dana. Et l'Imam al-Bukhari qui nous cite après la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, quand Allah tabaraka wa ta'ala cite l'invocation des pieux, waj'alna lil muttaqina imama. Et fait de nous des imams pour les pieux. Qol, et donc ici il dit l'imam al-Bukhari, il a dit, ce qui est voulu par là c'est Mujahid. Mujahid, il a dit comme l'a cité Tabari et d'autres dans le tafsir, il a dit ce qui est voulu dans ce verset, c'est-à-dire fait de nous des imams qui allons suivre ceux qui nous ont précédés et dont ceux qui nous suivent vont nous suivre aussi. Ceux qui viennent après nous vont nous suivre. Fais de nous des imams qui allons suivre ceux qui nous ont précédés et dont ceux qui viennent après nous vont suivre nos traces. Car il nous est obligatoire, ô chers frères, de suivre les traces de ceux qui nous ont précédés. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, Allah tabaraka wa ta'ala lui a rendu obligatoire le fait de suivre les prophètes qui l'ont précédé. Oulaika alladhina hada Allah fa bihudahu muqtadi. Il lui dit cela, ce sont ceux que Allah a guidés. Alors suis leur guidé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a été rendu obligatoire le fait de suivre la guidée des prophètes qui l'ont précédé. Et nous, il nous est rendu obligatoire de suivre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et donc celui qui est imam, celui que les gens vont suivre, il lui est obligatoire de suivre lui-même ceux qui l'ont précédé. Et il y a dans ce hadith, il y a dans ce verset, donc comme on l'a cité, l'obligation donc de suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il y a énormément de versets qui montrent cela dans le Coran. Allah tabaraka wa ta'ala qui nous dit wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce avec quoi il est venu, alors prenez-le, et ce qu'il vous a interdit, alors délaissez-le. Il ne parle pas selon la raison. Tout ce qu'il dit est une révélation qui lui est faite. Et donc il nous est obligatoire, au cher frère, barakallahu fikoum, de respecter cela en suivant la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, Al-Bukhari nous dit, rahimahullah, wa qala ibn Aoun, thalathun uhibbuhunna li nafsi wa li ikhwati. Ibn Aoun, il a dit, rahimahullah, il y a trois choses que j'aime pour ma propre personne ainsi que pour mes frères. Ibn Aoun, qui fait partie des tabi'in. C'est quoi un tabi'in? Un tabi'i, c'est une personne donc, qui a rencontré les compagnons du prophète. Oui. Il a rencontré donc, les compagnons du prophète. Au moins un des compagnons du prophète, il a pris de lui, il a étudié chez lui. Ce sont eux les tabi'in. C'est la génération qui vient après la génération des compagnons. D'accord? Et donc, cet homme-là, il nous dit, il y a trois choses que j'aime pour ma propre personne ainsi que pour mes frères. Quelles sont ces trois choses? Il nous dit, هذه السنة أن يتعلموها ويسألوا عنها والقرآن أن يتفهموه ويسألوا عنه ويدع الناس إلا من خير. Il dit cette sunna, j'aime cette sunna. Et le fait que donc ils l'apprennent et qu'ils demandent et qu'ils interrogent la concernant. Et dans une autre narration, il dit هذا الأثر عن رسول الله فيتبعه ويعمل بما فيه. Dans une autre narration, il nous dit, au lieu de dire هذه السنة, cette sunna, il nous dit ces traces de la sunna, ces textes du prophète, du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, afin qu'il les suive et qu'il œuvre avec ce qu'ils contiennent. Le deuxième point, le Coran. Afin qu'il cherche à le comprendre et qu'il demande le concernant et qu'il délaisse les gens sauf dans le bien. Ne te concentre pas sur les gens. Ne te concentre pas sur un tel. Mais concentre-toi sur le Coran et la Sunna. Et le Coran et la Sunna te permettront de savoir qu'est-ce qui est véridique et qu'est-ce qui n'est pas véridique dans les paroles des hommes. Et donc ensuite, l'auteur qui nous cite 12 hadiths, comme on a dit, et le premier hadith qu'il cite, il nous cite la chaîne de transmission jusqu'à Abi Wa'il, qui dit « Jalastu ila Shaybata fi hadha al-masjid ». Et donc, je me suis assis auprès de Shayba dans cette mosquée. Ce qui est voulu, c'est Masjid al-Haram. Ce qui est voulu, c'est à côté de la Kaaba. On a déjà vu ce hadith. Il y a plusieurs hadiths qu'on va voir ici, qu'on va lire aujourd'hui, qu'on a déjà vu précédemment. Mais on les revoit. Ça nous est profitable, inshallah ta'ala. Et ensuite, on continuera avec les autres hadiths. Et donc, je me suis assis auprès de Shayba dans cette mosquée. Alors, Shayba, il a dit, Omar, il s'est assis près de moi à cette place où tu es. Et certes, et donc Omar, il a dit à Shayba, j'ai la ferme intention de ne laisser ni or, ni argent dans celle-ci, sans que je la distribue aux gens. Ce qui est voulu ici, au cher frère, barakallahu fikoum, c'est qu'avant la période islamique, les incroyants venaient et ils laissaient de l'or et de l'argent à l'intérieur de la Kaaba. À l'intérieur de la Kaaba. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas retiré cet or et cet argent. Abu Bakr, il n'a pas retiré cet or et cet argent. Ensuite, Omar, lorsqu'il est devenu gouverneur, radiallahu anhu, il a dit à Shayba, j'ai la ferme intention de partager tout cet argent, tout cet or et cet argent, donc entre les gens, entre les croyants, de le répartir. Kultu. Donc Shayba qui répond à Omar, mais anta bifa'ilin, tu ne le feras pas. Tu ne feras pas cela. Omar qui lui dit, mais pourquoi est-ce que je ne le ferai pas? Kultu lam yaf'alhu sahibak. Shayba, il a répondu à Omar, tes deux compagnons ne l'ont pas fait. Le prophète et Abu Bakr. Les deux qui sont venus avant toi, ils ne l'ont pas fait. Pourquoi tu vas le faire? Alors Omar, il a répondu en disant, ce sont les deux hommes qui sont suivis. Ce sont les deux hommes que nous devons suivre. Et donc ici, Omar, il a montré un point important. Il voulait faire quelque chose. Et lorsqu'on lui a montré que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas fait cela, eh bien il a compris que le mieux est de ne pas le faire. Parce que si cela était bien, le prophète l'aurait fait. Et donc Omar s'est arrêté là. C'est ce que les savants appellent waqaf. Il s'arrête là où il y a la preuve. Il se suffit d'une preuve. Il se suffit de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc il est clair, aux chers frères, qu'il y a dans ce hadith le fait de conseiller le gouverneur. Car c'est Omar qui était gouverneur et Shayba l'a conseillé. Mais il ne l'a pas conseillé publiquement comme le font certains. Le gouverneur de tel pays, il a ça. Le gouverneur de tel pays, il a ça. Non. Mais ici, le gouverneur a été conseillé en secret. Comme il l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, « Man arada an yansaha bi sultan, fala yubdiha alaniya. » Celui qui veut conseiller le gouverneur, alors qu'il ne le fasse pas en public. Et il y a aussi dans ce hadith, Omar. Qui est Omar? Omar est le deuxième meilleur de cette communauté après Abu Bakr. Abu Bakr est le meilleur de cette communauté, bien sûr, après le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et après lui vient Omar. Omar, il n'a pas dit « Mais qui tu es pour me conseiller ?» Il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit « Qui tu es ? Qui es-tu pour me conseiller ?» J'ai bien plus fréquenté le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je le connais mieux que toi. Je suis meilleur que toi. J'ai plus étudié que toi. Il n'a rien dit de tout cela. Il a accepté le conseil. Et c'est comme ça que chacun d'entre nous, et c'est comme cela que nous devons être. Accepter le conseil, même si c'est ton petit frère qui vient te le donner. Accepter le conseil, même si c'est un non-arabophone qui vient te le donner. Car le croyant aime la vérité et l'accepte. Le hadith d'après, l'auteur qui cite la chaîne de transmission, Zayd ibn Wahb, qui dit « Sami'tu Hudayfa yakul, haddathana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, anna al-amanata nazalat min as-sama' fi jadri kulubi rijal, wa nazal al-Qur'an, faqara'u al-Qur'an, wa alimu min as-sunnah. » Et donc l'imam al-Bukhari, rahimahullah, il nous cite le hadith, donc, selon Zayd ibn Wahb, qui dit qu'il a entendu Huzayfa radiallahu anhu dire que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, certes, la amana est descendue du ciel. La amana, comme on a vu durant la khutba, la responsabilité. Dans certains exégèses, ils nous disent la religion. La religion est dîne. Dans certaines explications, ils nous disent « el-fara'id », les obligations de la religion. Et donc, les responsabilités qui nous sont confiées. Et donc, la amana, elle est descendue du ciel dans le cœur des hommes. Et ensuite, le Coran est descendu. Alors, ils ont lu le Coran. Et ils ont su à partir de la sunna. Ce hadith a aussi été cité par l'imam Muslim. Rahimahullahu ta'ala. Il y a dans ce hadith, barakallahu fikum, le fait que il n'est pas possible d'œuvrer avec le Coran sans la sunna. Tu ne peux pas œuvrer avec le Coran sans la sunna. Il t'est donc obligatoire de suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah, il te dit wa aqimu salat wa atu zakat. Accomplissez la prière et donnez l'aumône. Comment tu fais? Tu le prends dans la sunna. Tu le prends dans la sunna. Allah tabaraka wa ta'ala qui nous dit Idha nudiya lis salati min yawmil jumu'ati fas'au ila dhikrillah. Lorsqu'on fait l'appel à la prière du jour du vendredi, alors allez au rappel d'Allah. Le rappel d'Allah, la prière du vendredi. Où est-ce qu'on a appris que la prière du vendredi est précédée d'un sermon qui se divise en deux parties, etc.? Où est-ce qu'on a appris qu'il fait partie de la sunna, le fait d'élever la voix pendant le sermon, c'est dans la sunna. Et donc la Sunna explique le Coran. Tu veux œuvrer avec le Coran, il t'est obligatoire de prendre la Sunna. Le hadith d'après Al-Bukhari rahimahullah, qui nous cite la chaîne de transmission qui monte jusqu'à Abdullah ibn Mas'ud, qui dit إن أحسن الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ابن مسعود رضي الله عنه qui nous dit ici, certes, la meilleure des paroles est le livre d'Allah. Barakallahu fik. Si tu sais que la meilleure des paroles est le livre d'Allah, tu ne vas pas délaisser la meilleure des paroles pour la parole d'un autre. Si Allah tabaraka wa ta'ala, il te dit que l'usure est interdite, que l'usure est un grand péché, tu ne vas pas délaisser la parole d'Allah pour aller vers la parole d'un homme qui te dit non, il n'y a pas de problème. Tu peux aller à la banque, faire un crédit parce que tu en as besoin, etc., etc., etc. Tu ne vas pas délaisser la meilleure parole pour la parole d'un homme. Et donc Ibn Mas'ud, il nous montre ici un point important. Certes, la meilleure des paroles est le livre d'Allah. Et la meilleure des guidées est la guidée de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Si la guidée du prophète Muhammad est la meilleure des guidées, allons-nous délaisser la guidée du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pour un autre? Allons-nous suivre tel ou tel cheikh dans leur désobéissance au prophète? Allons-nous suivre tel ou tel imam dans la désobéissance au prophète? Non. Car la meilleure des guidées est la guidée de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite il dit Ibn Mas'ud, wa sharra al-umuri muhdathatuha. Et les pires des choses, ce sont les innovations. Les innovations dans la religion. Et certes, cette parole est aussi attribuée au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les pires des choses sont les innovations dans la religion. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous dit « Wa kulla muhdathatin bid'ah » et toutes les choses inventées sont des innovations. « Wa kulla bid'atin dalala » et toutes les innovations sont des égarements. Et donc il est important que nous délaissions tout cela. Et ensuite il dit « Wa innama tu'aduna la'at » Subhanallah. Et certes, ce qui vous a été promis arrivera. Et donc, préparez-vous pour cette rencontre. Comment tu te prépares pour cette rencontre? C'est en respectant ce qui a été cité précédemment. C'est en suivant le livre d'Allah, ainsi que la guidée du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et en t'éloignant des innovations. Voilà comment tu te prépares pour l'au-delà. Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu ici, il nous montre comment nous préparer pour l'au-delà. Et dans cette préparation, il nous met en garde contre toute forme d'innovation. Et rappelez-vous la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous dit fa'alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin al-mahdiyyin min ba'di tamassaku biha wa 'addu 'alayha bin nawajid wa iyyakum wa muhdathati al-umur. Alors suivez ma sunna ainsi que celle des califes bien guidés après moi. Accrochez-vous fermement à celle-ci. Accrochez-vous-y à pleines dents et méfiez-vous et éloignez-vous des innovations. Éloignez-vous des innovations. Le hadith d'après, il nous dit l'auteur, l'imam al-Bukhari, rahimahullah, an Abi Hurayra radiallahu an, wa Zayd ibn Khalid. Et donc selon Abi Hurayra radiallahu an, ainsi que Zayd ibn Khalid, qol, kunna inda al-Nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam fa qol, et donc il dit, nous étions auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il a dit, je vais juger d'entre vous par le livre d'Allah. Masha'Allah. Ici on peut comprendre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va juger d'entre Abu Huraira ainsi que Zayd ibn Khalid. Non, c'est faux, ce n'est pas ça. Ce hadith, il a une histoire. Al-Bukhari, il n'a pas cité toute l'histoire. Il n'a cité qu'un passage, le passage qu'il voulait. La parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, je vais juger d'entre vous avec le livre d'Allah. Et donc, ce sont deux hommes, parmi les bédouins qui étaient en conflit. Et ils sont donc venus voir le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, pour juger d'entre eux. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a donné son jugement. Et il leur a dit, je vais juger d'entre vous par le livre d'Allah. Les savants, ils nous montrent ici, barakallahu fikum, que le fait de juger, le fait de suivre le Coran et la Sunna, c'est ça le fait de suivre le livre d'Allah. Parce que le jugement que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné, tout ce qu'il a cité n'était pas forcément dans le livre d'Allah. Mais ce qu'il a cité, donc il y a des éléments qui faisaient partie du livre d'Allah et il y a des éléments qui faisaient partie de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et pourtant il a dit, je vais juger d'entre vous avec le livre d'Allah. Il n'a pas dit avec le livre et la sunna. Pourquoi? Parce que le livre d'Allah implique que tu vas suivre la sunna. Les deux vont ensemble. Tu ne peux pas séparer le livre d'Allah ainsi que la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est pour cela que Allah tabaraka wa ta'ala il nous dit, ya ayyuhalladhina amanu atti'u Allah wa atti'u ar-rasul wa ulil amri minkum. Ô vous qui avez cru, obéissez à Allah ainsi qu'au prophète et obéissez à Allah et obéissez au prophète et à ceux qui détiennent l'autorité parmi vous. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. Et si vous vous disputez en quoi que ce soit, alors renvoyez-le à Allah et à son messager. Et Allah et à son messager si vous croyez en Allah et au jour dernier. Et donc lorsque nous avons un conflit, lorsque nous avons un désaccord, comment faire? Quelle est la solution? Nous devons regarder dans le Coran et la Sunna. Le dernier hadith qu'on va voir aujourd'hui, inshallah ta'ala, donc selon Abi Hurayra radiallahu anhu, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba. Qalu ya rasulallah wa man ya'ba. Qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man 'asani faqad aba. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, toute ma communauté rentrera au paradis sauf celui qui refuse. Il dit, ô messager d'Allah, mais qui refuse? Qui refuse d'entrer au paradis? Il dit, celui qui m'obéit rentre au paradis et celui qui me désobéira aura refusé. Barakallahu fikoum, mon cher frère. Allah tabaraka wa ta'ala qui nous dit dans son livre, inna arsalna ilikum rasulan shahidan alikum kama arsalna ila fir'auna rasula. فَعَصَى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا. Certes, nous avons envoyé vers vous un messager qui est témoin vous concernant, de la même façon que nous avons envoyé un messager à Pharaon. Pharaon a désobéi au messager, alors nous l'avons saisi d'une punition exemplaire et terrible. Allah tabaraka wa ta'ala qui nous dit aussi dans son livre, « وَمَنْ يُتِيَ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهِ. » Celui qui obéit au messager, celui qui obéit au messager a certes obéi à Allah. « وَمَنْ تَوَلَّ فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلِيهِمْ حَفِيظًا. » Par contre, celui qui se détourne, alors nous ne t'avons pas envoyé vers eux comme gardien. Nous ne t'avons pas envoyé vers eux comme gardien. Et donc, on comprend, barakallahu fikoum, le fait qu'il nous est obligatoire d'obéir au prophète. Et donc, le fait de s'accrocher à la sunna. Et il nous est interdit de désobéir au prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ibn Hajar, rahimahullah, il nous dit que, « El mawsufu bil imtina' in kana kafiran la yadkhulul jannata aslan. » Et donc, celui qui est décrit comme ayant refusé, celui qui a refusé de suivre, celui qui a refusé de rentrer au paradis. S'il est mécréant, s'il est incroyant, alors il ne rentrera pas du tout au paradis. Wa in kana musliman fal murad annahu la yadkhuluha ma'al awwalin illa man sha'a Allah. Par contre, si celui qui refuse, il est musulman, alors ce qui est voulu ici, donc celui qui désobéit au prophète, ce qui est voulu ici, c'est qu'il ne rentrera pas au paradis avec les premiers. C'est-à-dire, ceux qui rentrent directement au paradis sans être châtiés par l'enfer avant. Sauf ce qu'Allah aura voulu. C'est-à-dire, sauf ce qu'Allah aura pardonné. Et donc, cela ici, il y a dans ce hadith, les frères, barakallahu fikoum, le grand danger qu'il y a dans le fait de désobéir au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et on voit encore l'importance qu'il y a dans le fait d'obéir au prophète et de suivre sa sunna. Ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit « Man asani, celui qui me désobéit aura refusé. » Et donc celui qui me désobéit, il ne veut pas rentrer. Celui qui me désobéit aura refusé de rentrer au paradis avec les premiers. D'accord ? Si c'est un mécréant, celui qui me désobéit aura totalement refusé de rentrer au paradis. Par contre, si c'est un musulman, celui qui me désobéit aura refusé de rentrer avec les premiers. C'est-à-dire rentrer au paradis sans châtiment. D'accord ? Et donc, il est important de comprendre cela. On va arrêter là pour aujourd'hui. Inch'Allah ta'ala wa faqallahu al-jami' lima yuhibbuhu wa yardah wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa jazakumullahu khairan.